arrivée. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Good afternoon, everybody. Listen to Supercastle here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'm going to be with you until the end of the hour, playing some French language punk, ska, and hardcore. I got some good stuff lined up for you today, and I know you usually play stuff strictly in French, and I'm going to do that for the whole hour, but I'm going to have one exception with one song today, one or two songs. I'm going to play some stuff by the Russian punk band Pussy Riot, who are currently facing a possibility of 7 years in prison for having played a song that criticized the president of Russia and having done so in a church. So stay tuned for that. It's going to be great. Salut, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. On a commencé l'émission avec du Berry Boots, tiré de leur album Carpe Diem, la chanson Berry. On va continuer avec une chanson qui sort de la normale ici à Sous Pression. Comme c'est une émission de punk, ska et hardcore francophone, je fais jouer des groupes ou des chansons francophones en français. Mais je vais faire une petite exception aujourd'hui pour une ou deux chansons parce que je veux faire jouer de la musique par le groupe punk anarcho-féministe Pussy Riot qui font maintenant sont maintenant en procès. Il y a 3 membres du groupe qui sont maintenant en procès et qui font face à 7 années, à un maximum de 7 ans en prison pour avoir joué une chanson critiquant le président Poutine, l'avoir faite dans une église et avoir c'est une prière, c'est une chanson en forme de prière en demandant à la Vierge Marie de venir libérer la Russie de Poutine. Alors je vais faire jouer une de leurs chansons. En ce moment, tout de suite, là. Et puis, ça va être, j'ai échappé de quoi. Ça va être un album, ça va être tiré de leur album, parce que j'ai trouvé, qui s'appelle Kill the Sexist. C'est, la chanson, c'était en russe, mais je pense que la traduction, j'ai juste trouvé en anglais, c'est, Holy, quelque chose comme Holy Mother of God ou, Sainte Mère de Dieu. En tout cas, je vais faire jouer cette chanson-là. On va continuer la musique un peu plus tard, après ça, avec des chansons rentrées, avec des chansons en français. Mais je vais peut-être faire jouer une autre chanson de Pussy Riot un peu plus tard, juste pour montrer un peu de... c'est une chose qu'on peut faire pour démontrer notre solidarité avec le groupe qui fait face à la répression de l'État en Russie. Alors voici du Pussy Riot sous pression. Черные рясы, золотые погоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небесах. И правда отправит в Сибирь кадала. Глава КГБ, их главный святой, ведет протестующих весом из конвой. Кто нас святейшего не оскорбит? Женщина нужно рожать и любить. Школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Бодрят гудяй, верит в Путина лучшему. В Бога, сука, верил. Поет тело, не заменит митинга. Ты протесты с нами, Пресвятая Мария. Прогони, Путина, прогони. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter La Cachette avec Insoumission tirée de l'album Ne renoncera pas. Jeunesse Apatride avant ça avec Contrôle de leur album L'Arme au Point. On a commencé le dernier bloc avec du Pussy Riot, la chanson Holy Mother of God de l'album Kill the Sexist. C'est le Pussy Riot, le groupe russe de punk qui dont trois membres font présentement face à une peine de prison possible, possiblement une peine de prison de 7 ans. Après suite à un concert qu'ils ont fait où ils ont joué une chanson dénonçant le président de la Russie, Poutine. C'est un peu un concert à guérilla dans la plus grande église de Moscou. Alors, c'était un peu pour attirer l'attention l'attention du public à la corruption du président Poutine, aussi le lien entre l'État et l'Église. Mais malheureusement, la chanson a coupé un peu, a sauté le CD, sauté un peu. Mais si vous écoutez, si vous visitez le site web de l'émission Sous Pression, c'est le souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com. Je vais la mettre en ligne, je mets l'émission en ligne à chaque semaine, mais je vais mettre la chanson, je vais l'arranger avec la magie de la radio et de la technologie ces jours-ci. Je vais prendre la chanson, je vais la mettre au complet dans la version que vous pouvez entendre. Alors, vous allez pouvoir entendre la chanson au complet sur le site web souspression.wordpress.com. Alors, je continue en musique. La chanson, le groupe Barbie Génocide, la chanson, le titre que j'aime beaucoup, la chanson s'appelle Souriez, ça va péter. Alors, je fais jouer du Barbie Génocide ici à Sous Pression. Sous-titrage Société Radio-Canada. Puis rien à boire par flocon givré ici à sous pression. Avant ça, on écoutait les mauvaises graines avec des bombes sur Disneyland, leur album Interdit de penser. Les Guinées avant ça avec Carton de leur album qui s'appelle Aucun album. Et on a commencé, on n'a pas commencé le bloc avec Saccage, mais avant les Guinées, on écoutait de Saccage la chanson Milice Antipolis Calis. Et on écoutait, on a commencé le bloc avec du Barbie Génocide, la chanson Souriez, ça va péter. On est rendu à mi-chemin de l'émission. C'est vers cette heure-ci que je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web. J'en ai parlé un peu plus tôt dans l'émission. C'est le www.souspression.wordpress.com. Souspression.wordpress.com. Si vous voulez écouter l'émission, vous voulez la réécouter, vous pouvez le faire à partir du site web. Vous pouvez aussi la télécharger parce qu'on met l'émission en ligne, ainsi que avec la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. On a aussi une présence sur Facebook, c'est le facebook.com/sous-pression. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. Et si vous aimeriez nous contacter, vous pouvez le faire via courriel. C'est le souspression@chry.fm. souspression@chry.fm. Alors, avant de continuer, je veux vous rappeler, pour ceux et celles qui écoutent Sous Pression, disons souvent, je m'imagine pas que vous êtes beaucoup qui écoutent l'émission régulièrement, mais s'il y en a, j'espère qu'il y en a bien, vous savez que au début, pendant l'année scolaire, j'essayais de parler de la lutte étudiante, la grève étudiante qui se passe au Québec, un peu partout au Québec en ce moment, et qui continue et qui va reprendre en force la semaine prochaine lorsque les cours vont recommencer le 13 août. Et je vais faire un rappel que la lutte continue et que le mouvement, la grève est pas terminée et que les assos étudiantes et la classe en particulier, la coalition large pour une association solidarité syndicale étudiante, qui est le groupe le plus militant, on pourrait dire, de les trois syndicats étudiants, la classe, la FEC et la FEUC. La classe continue, mobilise toujours pour la continuation de la grève et du mouvement étudiant et pour que le mouvement se construise et devienne un mouvement social, une grève sociale. Ils ont mis un site web qui s'appelle bloquonslarentrée.com. Alors c'est bloquonslarentrée.com et je vais juste vous lire un petit peu deux petits paragraphes du site web. Ils font un appel pour ils demandent aux gens qui peuvent se rendre à Montréal ou Montréal en particulier, mais j'imagine que c'est des actions qui vont se passer ailleurs au Québec, si vous pouvez vous rendre là, d'y aller et de participer, aider à bloquer la rentrée scolaire que le gouvernement essaiera de forcer le 13 août. Alors, je vais vous lire deux petits paragraphes vite fait qui parlent un peu de l'histoire ou de la situation c'est dans la rue au Québec. Alors, il dit sur le site web, en tant que travailleur et travailleuse, voisin, voisine, étudiant et étudiante, chômeur et chômeuse, il est maintenant temps de s'unir pour refuser cette fausse austérité que le capitalisme et ses sbires nous imposent. Mais pour que l'on puisse s'unir, lutter et rêver ensemble, il faut déjà que la grève étudiante perdure. Cette grève étudiante a toujours été bien plus qu'un combat de chiffres. Elle est le fer de lance de cette nouvelle société qu'il nous faut bâtir. L'issue de cette grève sera donc déterminante pour les années à venir. Des centaines de peuples et des millions de personnes luttent quotidiennement contre les mesures d'austérité hypocritement érigées en vérité par des gouvernements corrompus et avides de faire fructifier les profits de leurs contributeurs. La grève étudiante du Québec est un microcosme d'une lutte sociale d'envergure, mais elle est également son baromètre. Nous lançons donc un appel à l'aide et à la solidarité afin de bloquer la rentrée forcée. Nous invitons tous ceux et celles qui en ont les moyens à converger vers Montréal la semaine du 13 au 17 août parce qu'elle comporte le plus grand bassin d'étudiants et d'étudiantes en grève. Montréal sera le centre névralgique de la résistance à la rentrée forcée. Alors, pour plus d'informations, si vous aimeriez participer, c'est vraiment à une lutte historique ici au Canada et au Québec. Si vous avez participé, visitez le site web bloquonslarentrée.com. Ils vont vous donner plus d'informations sur comment participer à la convergence des directions, l'hébergement, plein d'informations. Alors visitez bloquonslarentrée.com. Je vais mettre un lien vers le site sur le site de Sous-Pression, souspression.wordpress.com, et aussi sur à partir du site Facebook de Sous-Pression, Sous-Pression, facebook.com/sous-pression. Et alors, pour continuer dans cette veine-là, je vais faire jouer une chanson des Esclaves Salariés, un groupe montréalais qui n'existe malheureusement plus, de leur album Dur à battre. Cette chanson est dédiée à tous ceux et celles qui continuent à lutter pour un meilleur monde. La chanson s'appelle « Ils ne passeront pas ». Alors, voici les Esclaves Salariés, ici, à Sous pression. Nous on a rien à foutre devant du corps. Alors avant de continuer, je vous rappelle que je vous fais jouer du Pussy Riot cette semaine. Je vous fais jouer la chanson de leur, qui porte le même titre que leur album. En tout cas, la traduction en anglais du titre de l'album, c'est Kill the Sexist ou Tuons le Sexiste. Et la chanson que je vous fais jouer est du même titre, Kill the Sexist par Pussy Riot, le groupe féministe de punk qui fait face à plusieurs années possibles de prison. Suite à un concert guérilla qu'on fait dénonçant le président Poutine. Alors voici Pussy Riot avec Kill the Sexist sous pression. Тебе надоели дотухшие носки, папки твоего дотухшие носки. Муж твой будет в дотухших носках, всю жизнь будет в дотухших носках. Мать твоя в грязной посуде, дотухшие жрачки в грязной посуде, пережаренные курицы и моет полы. Мать твоя живет в тюрьме. Горшки отмывает, отстойно в тюрьме никогда не бывает свободы. Адская жизнь, господство мужчин. Выйди на улицу, освободи женщин. Нюхайте сами свои носки. Жопу свою не забывайте чесать. Рыгайте, плюйте, бухайте, срите. А мы с радостью побудем лесбиянками. Сами лохи, завидуйте пенису. Длинному пенису друга по пиву. Длинному пенису из зомбоящика. Пока уровень говна не дойдет до потолка. Стань феминисткой, феминисткой, стань. Миру мир, мужчинам конец. Стань феминисткой, уничтожь сексиста. Убей сексиста, смой его кровь. Стань феминисткой, уничтожь сексиста. Убей сексиста, смой его кровь. Ceci est une déclaration à la jeunesse sous pression, à la vieillarde qui tient bon, aux types aux panthères, aux dragons, à toutes les fleurs du pavé, la mauvaise graine des blesses paumées, aux rêveurs nés, aux écorchés, aux acharnés de la liberté. Allez, tiens bon! Tiens bon là-bas! Allez, tiens bon! Baisse pas ta garde, souvent déçu, souvent déçu, jamais vaincu, jamais vaincu, parfois trahi, parfois trahi. Je jure qu'un jour les mauvais jours finiront. Si le soleil se lève pour tout le monde, c'est souvent qu'on a la part d'ombre. Mais je vais pas te faire un dessin. On marche sur le même chemin. Nos nuits blanches ont les mêmes matins. Ciel blafard et dernier train. Nos nuits blanches ont les mêmes chagrins. Alors on chante ce refrain. Allez, tiens bon! Tiens bon là-bas! Allez, tiens bon! Baisse pas ta garde! Souvent déçu! Jamais vaincu, jamais vaincu. Parfois trahi, parfois trahi. Je jure qu'un jour les mauvais jours finiront. C'est sûr qu'un jour on lèvera l'ancre, rejoindre Porto à Samarcande. Loin des temples, tout est à vendre. Ici plus rien ne nous ressemble. Et si on doit tous rester là, c'est le monde entier qu'on chamboulera. Tant pis pour ceux qui n'y croient pas. Nous on y croit quand on chante ça. Allez tiens bon, tiens bon là-bas. Allez tiens bon, baisse pas ta garde, souvent déçu. te jure qu'un jour les mauvais jours finiront. C'était les Breastfeeders à sous pression avec Ostrago à gogo. Avant ça, on écoutait du Crève-Cœur, la chanson Déclaration de leur album L'Aube se lève toujours. Du Pussy Riot avant ça avec Kill the Sexist, l'album du même titre. Petite chanson dédicace, bien sûr, au groupe qui fait face à la répression, une répression assez sévère de l'État russe. Du Bolshoï avant ça avec Branleur, précédé par le prétentelon par les ordures ioniques. J'ai figuré que, tandis que les Olympiques sont, ça se passe en ce moment, je devrais jouer une chanson à propos du sport. Et on a commencé tout le dernier bloc avec Les Esclaves Salariés, la chanson Ils ne passeront pas de leur album Dur à battre. Alors, notre temps ensemble tire à sa fin. J'ai le temps de faire jouer une dernière chanson. Je vais faire jouer une chanson par Les Partisans, tirée de leur album du même nom, leur album éponyme, Les Partisans. la chanson Graines de violence, alors le 10e morceau sur cet album-là, un excellent album. Je vais faire jouer ça, puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine. N'oublie pas de visiter le site web de l'émission, c'est souspression.wordpress.com, et vous pouvez aussi visiter, si vous voulez plus d'informations sur la lutte étudiante et la grève sociale qui se passe au Québec, visitez bloquonslarentrée.com, et mais vous allez trouver de l'information l'information concernant ce site web-là sur le site web de Souspression, souspression.wordpress.com, et aussi la page Facebook de Souspression, facebook.com/souspression. Alors voici les partisans, graines de violence, ici à Souspression. Passez une bonne semaine.